Divers milieux sud-coréens exaltent les immortels exploits du président Kim Il-sung accomplis pour l'édification nationale. Le président de l'association Changil et autres ont souligné que le président Kim Il-sung a précisé la ligne originale de pouvoir nouveau lors de la révolution anti-japonaise et a édifié en Corée du Nord libérée le premier état des ouvriers et paysans, berceau du bonheur du peuple. Ensuite, ils ont qualifié le président qui a fondé un état nouveau où le peuple est maître de tout, de dirigeant de l'éducation nationale. En disant que l'honneur et la dignité de la République populaire démocratique de Corée et la vie exaltante du peuple du Nord sont le résultat de la direction éminente et des efforts inlassables du président Kim Il-sung, fondateur de la République populaire démocratique de Corée et de la Corée socialiste, ils ont affirmé que la République nord-coréenne est le noble héritage révolutionnaire du président. Les journaux et revues sud-coréens ont également donné des écrits comme « Le président Kim Il-sung est le soleil de la nation qui a édifié un état providentiel pour le peuple sans pareil dans le monde » et « La vie du président est l'histoire du soleil couronné des exploits d'édification nationale pour le bien-être du peuple ».